sang chaud. Il sent qu'il joue sa peau. Sa moustache rousse repousse. Il est parti à temps pour avoir le temps de rattraper sa dose.